On peut donner du bonheur, on peut aussi le transmettre. Dans l'espace, les astronautes voient le soleil se lever 16 fois par jour. Oh, drôle de vie, non ? La Cité de l'espace à Toulouse, un lieu unique pour découvrir, s'étonner, comprendre. Véritables engins spatiaux, expositions, animations scientifiques. Partez à la découverte de l'infini et de l'extraordinaire à la Cité de l'espace à Toulouse. Le 16-18, France Bleu Occitanie. Faut marcher une vie entière pour voir mon enfance dans les yeux. J'y vais. S'il faut retrouver sa lumière quand la chandelle en vaut le jeu. J'y vais. Comme un tout premier regard. Début de mon histoire, et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte. Tiens dans mes veines. S'il fallait traverser les mers pour embraser les terres de feu, j'irai retrouver mes rêves. Et dans chacun de nos pas, on l'emporte comme une ombre, d'ici jusqu'au bout du monde, qu'importe où le temps nous portera. Il est la voix qui nous chante, joli fantôme qui nous hante, cet enfant qui ne nous quitte pas. Dans les chansons, les prières, secret perdu dans le temps, j'y vais dans ces printemps sans hiver, dans tous les miroirs au reflet d'avant, j'y vais, c'est dans chacun de nos pas. J'y vais, Patrick Fiori, Florent Pagny en duo à l'instant sur France Bleu Occitanie. Ah, les lumières vont bientôt s'allumer sur le quai des Savoirs, vous savez, juste à côté du Muséum de Toulouse sur les allées Jules Guesde. Oui, comme chaque année, depuis 9 ans maintenant, la nouvelle édition de Lumières sur le quai va commencer à partir de vendredi, ce vendredi soir et jusqu'à la fin des vacances d'automne. Donc tous les soirs à la tombée de la nuit, venez découvrir des installations artistiques, des expositions, participez aussi à des ateliers. Alors ça, c'est aussi toute la journée et dans l'après-midi, des ateliers, des expositions. expos qui vous sont proposées pour rêver, pour comprendre avec des spectacles, mais aussi des animations pour les plus jeunes à partir de 2 ans. Oui, le Quai des Savoirs s'adresse à tous. Et en plus, pour découvrir ce qu'il s'y passe sur ce Quai des Savoirs et à l'occasion de ces lumières sur le quai, eh bien, je vous invite à nous écouter France Bleu Occitanie vendredi entre 16h et 18h puisque nous serons en direct de ce Lumière sur le quai édition 2023 que l'on vous fera découvrir. Dans quelques minutes, c'est Cédric Emmens qui sera avec nous sur France Bleu Occitanie et en compagnie d'Anaïs Genin pour nous livrer quelques secrets de Coupe du Monde. En attendant, le secret pour marcher en égyptien, c'est de mettre une main devant, une main derrière, de se mettre de profil et de marcher comme les Bengals dans leur clip. Vous voyez, walk like an Egyptian. Bel après-midi dans le 16-18, c'est France Bleu Occitanie. Egyptian. Ça partait en pogo à la fin de la chanson des Bengals avec Walk Like an Egyptian. Il est 4h30, les enfants, c'est l'heure de goûter. 16h-18h, Sylvain Leca sur France Bleu Occitanie. Oui, et puis c'est aussi l'heure de parler rugby, s'il vous plaît, avec notre rendez-vous secret de Coupe du Monde. Ah ben, jusqu'au 28 octobre prochain, jusqu'à la finale. On vous propose les secrets de Coupe du Monde. Ce sont nos légendes nationales et joueurs internationaux qui viennent au micro d'Anaïs Genin pour nous livrer quelques secrets de leur Coupe du Monde à eux. Comme par exemple l'ancien 3-quarts international, Cédric Emmens. Bonjour Cédric Emmens. Bonjour. Un secret de Coupe du Monde, ça se passe en 2011. Il y a des moments incroyables sur le terrain qu'on peut voir quand on est supporter, quand on aime le rugby. Puis il y a ces moments-là qui sont quand même très très importants. J'ai l'impression qu'on garde beaucoup justement de souvenirs hors terrain. Non mais c'est vital. C'est vital parce que c'est la vie de groupe et la vie de groupe elle se construit quand on est dans ce fameux stage en 2011. On va retrouver, je crois que c'est la Légion étrangère qui est à Collioure. On fait un stage commando, mais là poussé. Et à un moment donné, il y a l'épreuve qui est le saut de puce. Et le saut de puce, c'est ni plus ni moins qu'un saut de 1 mètre. Mais on doit retomber sur une petite plateforme qui est sur un flanc d'une falaise. Même si on est tenu, il faut avoir le courage de se lancer, le lâcher prise. Et vous pouvez faire 2 mètres. On a vu des garçons ne pas pouvoir le réaliser et des garçons plutôt timides être des moteurs. Il y a après une traversée sur un câble entre deux falaises. Et c'est pareil, il faut pouvoir le faire. Moi, j'y suis arrivé et je me suis retrouvé bloqué au milieu. C'est l'instructeur qui vient parce que mes câbles se sont enroulés. Et je finis l'épreuve, je m'éloigne et je tombe en larmes de décompression, de stress. Je pense à mes filles à ce moment-là. Et je finis, j'arrive à attraper le rocher, me défaire. L'instructeur était avec moi et je m'isole totalement parce que je m'effondre. Parce qu'on est tellement poussé dans les retranchements en termes physiques, mais émotionnels, que les coachs ont besoin de voir ça pour savoir ceux qui vont craquer, pas craquer, mais aussi de nous voir comment on se comporte dans le groupe et comment le groupe se comporte avec l'individu. Et on retient ça, pourquoi ? Parce qu'on va chercher au plus profond de nous-mêmes, et là, il n'y a pas de faux semblant. Et du coup, ça facilite. Moments, et dans les moments de rugby, dans les moments de match où c'est dur, il n'y a pas de faux semblants. Il y a ceux qui motivent, il y a ceux qui suivent. Il n'y a pas de jugement de valeur. Mais en tous les cas, il faut que ça soit qu'un seul homme. Et ces moments-là, ils sont faits pour ça. Voilà, comme ça tout est dit. Demain, ce sera au tour de l'ancien international centre Éric Bonneval qui sera au micro d'Anaïs Genin dans nos secrets de Coupe du Monde. Et vous vous souvenez peut-être de ce concert d'Icar à la salle Altigone samedi soir. On vous a offert des places sur France Bleu Occitanie. Justement, on va revenir sur ce concert avec Patricia, notre invitée dans quelques minutes, dans le SAV des cadeaux. Oh baby, I love your way, every day, yeah, yeah. Les titres des chansons avec deux possibilités de lecture différentes. Cette chanson de Big Mountains, Baby, I Love Your Way. 16h38, bonjour Patricia. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui à Gratempoux? Très bien, je vous remercie, je suis en repos, donc tout va bien. Ah bah écoutez, ça c'est bien, bonne nouvelle. Patricia, dis donc, Vénard, vous êtes allée voir Icar, vous, à la salle Altigone, c'était samedi soir, c'est ça? C'était samedi soir, oui, à Saint-Thorens. Alors, est-ce que vous le connaissiez avant d'être allée au concert? Non, j'avais entendu des titres comme ça, mais je ne l'avais jamais vu en concert. D'accord, et alors, Icar en concert? Ben, Je me suis régalée. J'y suis allée avec une copine. Ouais. Et on a passé une super soirée. Elle de même, ne connaissait pas. Elle avait entendu quelques-uns de ses duos, mais ouais. Elle ne connaissait pas, elle ne l'avait jamais vu. Et donc, du coup, bah, c'était une très, très belle soirée. Donc, merci beaucoup à France Bleu Occitanie pour ce merveilleux cadeau. Ah, ben ça, c'est chouette. Ça me fait plaisir. C'est vrai qu'on en avait un petit peu discuté, je crois, ensemble, ouais. Où vous m'aviez dit non, mais je veux y aller avec une copine, comme ça, on va passer une bonne soirée. Et du coup, mission accomplie, quoi. C'est exact, mission accomplie. Mais c'est pas la première fois que je gagne, hein, parce que j'écoute votre radio tous les matins et tous les soirs sur le trajet du travail. Ouais. Et j'ai eu l'occasion d'aller voir 4 concerts grâce à vous. Ben oui, mais c'est ça notre boulot, c'est vous faire mais sortir. C'est génial. C'est de vous faire abandonner. Moi, mon objectif, c'est d'arriver à vous faire abandonner votre télévision et à sortir voir des vrais gens sur des vraies scènes, faire des vrais spectacles. C'est ça le truc qui est chouette. Ce qu'il y a de très sympa, je trouve, dans ces cas-là, c'est que vu que c'est quelque chose qu'on gagne, c'est pas quelque chose qu'on aurait prévu spécialement d'aller voir. Ouais. Et donc, ben, ça fait découvrir des styles, des chanteurs qu'on ne connaît pas. Et donc, merci beaucoup parce que c'est très, très sympa. Attiser votre curiosité, c'est le deuxième objectif de ce rendez-vous de l'après-midi, Patricia. Exactement. Merci beaucoup. Je suis ravi que vous ayez passé un bon moment. Puis je suis ravi que vous soyez une fidèle auditrice de France Bleu. Parlez-en autour de vous. Vous pouvez le dire à la machine à café. Dis donc, si tu écoutes France Bleu, tu peux aller voir des concerts. Ça peut être sympa. Hein, d'accord. Mais je le dis souvent à mes collègues. Alors ils rigolent. Ils me disent mais t'as du pot. Il suffit d'écouter à la bonne heure. Et puis voilà. Et ben voilà. Vous avez tout à fait raison. Merci, Patricia. Je vous souhaite une belle après-midi. Merci à vous, bon après-midi aussi. À très bientôt. Christophe Willem est en préparation sur France Bleu Occitanie, sa nouvelle chanson, ça s'appelle « Je tourne en rond ». Bienvenue chez vous, 10h-11h sur France Bleu Occitanie. Bienvenue à Colomiers, on est sur le marché en direct ce jeudi à 10h pour faire la popote, pour se faire un break, pour donner la parole aux talents columérins. Bienvenue chez vous à Colomiers sur France Bleu Occitanie. C'est l'euphorie dans votre concession Renault-Euphorie. Jusqu'au 31 octobre, 400 véhicules toutes marques à prix coûtant. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Attention, stock limité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Conditions dans vos concessions Euphorie Renault à Cahors, Castelsarrasin, Montauban et Souillac. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. L'apprentissage est un terrain de rugby. Le lycée, c'est l'entraînement et l'entreprise, c'est le match. L'envie d'apprendre est ton meilleur allié dans ta course vers l'essai, la réussite et l'insertion professionnelle. Lance-toi en apprentissage avec les lycées de l'éducation nationale. Plus d'infos sur maforpro-occitanie.fr. Projet cofinancé par la région Occitanie. Un week-end à la mer ? Déjà fait. Et un city break ? Plutôt envie de grands espaces naturels. Alors partons dans un vignoble. Ouais, bonne idée ! En Occitanie ? Du 19 au 22 octobre, vivez un fascinant week-end de festivités, de rencontres et d'expériences inédites au cœur des vignobles de la vallée du Rhône, du Roussillon, du Languedoc, du Pays d'Oc et du Sud-Ouest. Pensez au train et préparez votre séjour sur occitanie.fascinant-weekend.fr. La duprice sexuelle des orchidées, la chorégraphie de la grue du Japon, le balancier de la sauge des prés, l'homosexualité du pingouin. Avec sa nouvelle grande exposition Sexapile, la scandaleuse vie de la nature, le muséum de Toulouse dévoile sans tabou la vie intime des plantes et des animaux. Du 14 octobre 2023 au 7 juillet 2024, allez Jules Guedes. Plus d'infos sur museum.toulouse-métropole.fr. Concernant vos conditions de circulation, on avait un accident qui était signalé à la hauteur de la bifurcation des minimes en descendant en direction du sud, hein, Purpan. Bon, ça s'est amélioré puisque l'accident a été évacué. Et d'ailleurs, même ce qui s'est amélioré, c'est les conditions de circulation puisque le bouchon qui était créé par cet accident est désormais résorbé. Bon, par contre, il y a d'autres ralentissements à vous signaler dans les deux sens entre Blagnac et Toulouse. Vous savez, sortie des usines Airbus ou de l'aéroport. Et puis ceux qui rentrent à la maison à Blagnac, ben voilà, ça crée des ralentissements. ralentissements et des bouchons dans les deux sens de circulation. C'est compliqué pour ceux qui reviennent de Colomiers, vous savez, des usines Airbus, voilà, pour revenir vers Toulouse, vers Purpan, avec des bouchons, notamment depuis la connexion du fil d'Ariane. Si, c'est le fil d'Ariane, oui, c'est le fil d'Ariane, je vais y arriver. Et puis pour ceux qui sortent vers le Gers, c'est un petit peu de ralentissement à la hauteur de Colomiers. Et enfin, sur la 64 entre Toulouse et Muret, dans les deux sens de circulation, un poil de ralentissement avant la barrière de péage de Roques-sur-Garonne et surtout un peu de bouchon pour ceux qui arrivent, vous savez, dans ce gros virage là pour remonter sur la rocade au niveau de la bifurcation de Bordelon. Gardez le pied léger, surtout gardez l'écoute de France Bleu Occitanie. 16h43 sur France Bleu Occitanie. Son nouvel album, alors sorti en 2022 quand même, au mois de septembre, il y a pratiquement un an, un peu plus d'un an. L'album de Christophe Willem s'appelle Panorama. Et dans cet album, il y a cette chanson qui s'intitule « Je tourne en rond » et c'est une nouveauté. Parti cœur au bois dormant, le sourire entre les dents, mon silence radio, souvenir fluo. Reste-t-il maintenant? Kimono et bras ballants. Seulement quelques mots à te dire tout haut. Je tourne en rond sans toi. J'oublie mon rôle sans toi. Et je ferme les yeux autant que possible pour te revoir auprès de moi. Comment je déraille, comment je perds mon sang, froid en un instant. Tire autour de mes failles, comme une ceinture de samouraï. Et moi qui cède sûrement à l'appel du vent. France Bleu Occitanie, c'était Christophe Willem. Tiens, notez sa date de concert, il est au Casino Toulouse, au Casino Théâtre de Toulouse, le 23 novembre prochain. Alors, c'est drôle parce qu'il y a quelques minutes, je disais à notre invité, moi, mon objectif, c'est de vous faire sortir et d'abandonner votre télévision. Sauf ce soir, où vous avez le droit de regarder Secret d'Histoire ce soir. Pourquoi ? Parce que c'est un Secret d'Histoire qui est consacré à Vercingétorix et l'émission a été tournée au village gaulois, Rieux-Volvestre, chez nous, quoi. Voilà, bon, ben voilà. Donc, du coup, on va pas rater l'émission Secret d'Histoire consacré à Vercingétorix. C'est sur France 3 et c'est à partir de 21h10 ce soir. Vous avez le droit, vous avez même le devoir de regarder cette émission avec le moustachu, blond moustachu Vercingétorixme, s'il te plaît, au village gaulois avec Stéphane Bern. Il sera question de William Scheller dans notre rendez-vous décibels. Le 16-18, France Bleu Occitanie. Ouais, l'actu musicale du jour avec Émilie Mazoyer pour Décibels la chronique. Salut Émilie. Salut tout le monde. Émilie, au rapport pour votre dose quotidienne d'actualité musicale. La reine de France fête aujourd'hui son 66e anniversaire. Bah oui, on a une reine. N'étiez pas au courant ? C'est comme ça, la

Tout ce que je te donne, c'est ce que j'ai sous la peau. Alors j'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si j'en fais des tonnes. Moi je sais pas comment ça fonctionne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop. J'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si parfois je déconne. Même si je sais que plus rien ne t'étonne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop. J'aimerais que tu me pardonnes. Pardonne-moi si parfois je déconne. Même si je sais que plus rien ne t'étonne. J'ai les yeux qui coulent tous les jours un peu trop. Pardonne-moi avec Louane à l'instant, France Bleu Occitanie, sa nouvelle chanson, et les Gypsy Kings, eux, nous interprètent Bamboleo. Juste avant l'actu, qui sera de retour à 17h sur France Bleu Occitanie. Et notre invité, oui, que je vous présenterai après, vous allez voir un bon moment de musique qui nous est présenté. Et si amor llega así de esta manera, no tiene la culpa. Caballo le dan sabana, porque muy despreciado, por eso no te perdono llorar. Ese amor llega así, esta manera, no tiene la culpa. Amor de compraventa, amor del pasado. Ven, ven, ven, ven, ven. No te encuentro lavando. Eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día lo encuentro así de nada. Lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Dans cette chanson des Gypsy Kings, Bamboleo, on a surtout entendu des instruments à cordes. Eh bien, dans quelques minutes, on va s'intéresser à un instrument à vent, et plus précisément au hautbois, et à son musicien, un hautboiste, dit-on, qui sera samedi après-midi dans l'Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse à La Halograin. C'est notre invité cet après-midi sur France Bleu Occitanie. Vendredi 20 octobre, ce vendredi, France Bleu Occitanie vous invite au Quai des Savoirs à Toulouse pour jouer avec le feu à l'occasion du festival Lumière sur le Quai. Rendez-vous à partir de 16h pour découvrir des balades interactives artistiques et scientifiques autour de la lumière, de la vidéo et même de la photo. Jouer avec le feu, 9e édition de Lumière sur le Quai, au Quai des Savoirs à l'Égile-Gade à Toulouse, à vivre en direct sur France Bleu Occitanie, vendredi à partir de 16h. Bienvenue chez Écoutez Voir. Et là, vous entendez mieux. Comme quoi, le plus gros effort pour bien entendre, c'est encore de pousser la porte. Et oui, chez Écoutez Voir, le bilan auditif est gratuit. Et les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. Démarrez une nouvelle vie en résidence senior avec Serenely. Appartement meublé, équipé, à Toulouse et à Bordeaux. Animation, espace vert, salle de fitness, salon de beauté. Vivez pleinement, vivez sereinement avec Serenely. Prenez rendez-vous avec nos conseillers pour visiter nos appartements témoins ou pour un séjour découverte. Serenely, Serenely.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Occitanie. Ah, vous avez fait le bon choix, je vous le dis. Bienvenue, il est 17h. L'actu de notre après-midi, Bénédicte Dupont, bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. À l'aéroport de Blagnac, les vols ont repris après une alerte à la bombe. Oui, en réalité, une dizaine d'aéroports français ont été contraints de suspendre leurs activités en fin de matinée à cause d'une menace par mail. À Toulouse, l'alerte est tombée un peu avant 11h. Trois vols en provenance de Naples, Lisbonne et Istanbul ont été déroutés. Et puis vers 15h-15h30, après vérification, les restrictions ont été levées et les liaisons reprennent depuis progressivement avec en moyenne tout de même 4 heures de retard à l'arrivée à Blagnac. L'aéroport de Carcassonne fait partie lui aussi des 10 aéroports qui ont connu une alerte à la bombe, comme Nice, Bordeaux ou encore Pau. Notez que le château de Versailles a aussi subi une alerte à la bombe aujourd'hui et ce pour la 3e fois depuis samedi. Un nouveau bilan du ministère de l'Éducation fait état de 357 perturbations et contestations des temps d'hommage à Dominique Bernard, le professeur tué à Arras vendredi dernier. On est encore loin des 800 incidents recensés il y a 3 ans lors des minutes de silence en hommage à Samuel Paty. D'ailleurs, 5 jours après l'attaque d'Arras, Carole Delga dit vouloir installer des bandes d'appels d'urgence dans les lycées. La présidente de la région Occitanie l'a proposé tout à l'heure en réunion avec le ministre de l'Éducation à Paris, des bandes qui seraient reliées au commissariat ou aux gendarmeries. L'actu de ce mercredi, c'est aussi Air France qui annonce se retirer d'Orly au profit de Roissy. Oui, alors concrètement, ça veut dire que les navettes Orly-Toulouse n'existeront plus en 2026, ou plutôt elles seront opérées par Transavia, la filiale low cost d'Air France. Côté emploi, Air France promet que l'impact sera limité, mais les syndicats sont beaucoup plus prudents. La CGT parle de 20 à 30% des effectifs toulousains au sol supprimés d'ici 3 ans. Le maire de Toulouse, quant à lui, demande à la compagnie de maintenir le nombre de vols entre Paris et Toulouse en attendant l'arrivée de la TGV, de la LGV, dans 9 ou 10 ans. Enfin, une bonne nouvelle, si vous avez un projet d'achat immobilier, l'année prochaine, le prêt à taux zéro, le prêt sans intérêt, va concerner plus de ménages, plus de villes et son montant pourrait atteindre jusqu'à la moitié du crédit. C'est une annonce du ministère de l'économie aujourd'hui. En clair, les classes moyennes qui gagnent entre 2500 et 4000 euros et qui n'avaient pas droit au prêt à taux zéro jusque-là pourront en bénéficier. Cela fait 6 millions de foyers en plus. Et puis 200 villes supplémentaires dont Toulouse et Montauban seront concernées par ce prêt dans le cadre de l'achat d'un appartement neuf en zone tendue. 24 Français morts dans le conflit israélo-palestinien, 7 toujours portée disparue. C'est le nouveau bilan dévoilé par Elisabeth Borne tout à l'heure devant le Sénat. Paris a déjà rapatrié, nous dit-elle, 3500 Français d'Israël. On a aussi appris tout à l'heure que le bombardement cette semaine d'un hôpital de Gaza avait fait 470 morts. Dernier bilan du Hamas qui attribue la frappe aérienne à Israël, tandis qu'Israël, soutenu par les États-Unis, accuse le djihad islamique. Et puis enfin, une bonne nouvelle entre guillemets du Proche-Orient ce soir, Israël autorise enfin l'entrée d'aide humanitaire humanitaire dans la bande de Gaza depuis l'Égypte et depuis l'Égypte seulement, tandis qu'elle est toujours interdite depuis l'État hébreu. Une info transport en commun à Toulouse ce soir. Le tram est interrompu, mais vous en avez parlé, Sylvain, dès 20h depuis Audi-Sud, 21h au Mythe. Dernier départ depuis le Palais de Justice, 22h. Ce sera le cas aussi demain soir à cause de travaux de maintenance. Et puis après Villefranche-Jouleraguet, il y a 15 jours, la tournée du Stade Toulousain à Fronton cet après-midi. Les joueurs sont venus signer des dédicaces et faire un entraînement délocalisé au complexe sportif des Prés de Matabiau. Retour du top 14 bientôt, le dimanche 29 octobre. Ce sera Toulouse UBB. Ah, les Bordelais. Ah, les Bordelais, bah oui, à un moment donné, il faut qu'on les affronte. C'est ça. C'est pas plus mal que ce soit au retour du mondial. Ouais. Cette météo, Sylvain, on espère de la pluie sur la plaine toulousaine, mais elle tarde à venir quand même. Elle circule, elle passe, mais ce sont quand même de rares averses qui sont signalées par Météo France. Et si je regarde effectivement la carte des radars de Météo France, on a des averses assez, on va dire presque orageuse, notamment sur le Tarn-et-Garonne, là, plutôt du côté de Montauban en ce moment. Ça remonte un petit peu sur le département du Lot, et puis ça s'évacue parce qu'on a eu quand même deux vagues finalement de pluie assez fortes qui sont en train de s'évacuer maintenant. Alors du côté de Montpellier, du côté de Nîmes, là où en ce moment est en train de se produire. Vigilance orange. Le phénomène Cévenol, ouais. Exactement. Sinon, effectivement, ce sont surtout des averses éparses qui circulent. On a un petit peu de pluie là qui pourrait toucher Foix et Pamiers, notamment en Ariège. Sinon, il ne fait pas froid, 22 à 24 degrés hein, sur les thermomètres de la région. Nous avons 22 à Toulouse cet après-midi. Cette nuit, on a quelques nuages qui vont circuler dans le ciel et demain matin, les éclaircies feront leur retour, plutôt belles d'ailleurs pour la journée, avec des températures qui vont se réchauffer dans l'après-midi, un petit peu comme cet après-midi. Demain matin, de la douceur, toujours au programme. Lavaur, 13 degrés, Riom, 14, Autrive, 15. Il fera déjà 16 à Muret, à Villefranche-de-Lauragais à 8h du matin et à Colomiers et Toulouse, 17 degrés. À noter que le vent d'OTAN a calé un petit peu, donc ça c'est bien pour la coiffure, mais il revient demain après-midi, nous dit Météo France. Mais moi, question coiffure du côté, je suis ça va. Vous enfoncez pas, Sylvain. Moi, j'ai rien dit sur vos cheveux. C'est gentil. Parlons de la circulation avec un petit peu de trafic difficile en ce moment. Si vous êtes sur l'ouest de Toulouse, on a effectivement des ralentissements et des bouchons, alors dû au fort trafic des sorties des usines entre Blagnac et la bifurcation des Minimes, entre Colomiers et la bifurcation de Purpan. Du monde remonte de Muret sur la 64 pour atteindre Toulouse. Et au niveau de la bifurcation de Bordelangue, là aussi on a du bouchon. Et puis maintenant sur l'est de Toulouse aussi, quelques ralentissements à vous signaler jusqu'à la sortie 16 quand vous arrivez depuis la barrière de péage de la Belge et que vous remontez jusqu'à la hauteur de Balma. Bon après-midi, merci de nous rejoindre, 17h05. Le 16-18 France Bleu Occitanie, Sylvain Leca. Dans quelques minutes, on va découvrir comment souffler dans un hautbois. Parce que c'est pas si facile que ça. C'est quand même, je crois, un instrument avant avec deux hanches. C'est bien ça. Donc, je demande quand même vérification à notre invité, Bobby Cheng, que l'on retrouve dans un instant. C'est pas le plus facile des instruments avant. C'est pas le plus compliqué non plus, je pense. On va en parler dans un instant puisque notre invité, Bobby, est hautboiste et il est mis à l'honneur dans le cadre des Happy Hour de l'Orchestre National de Toulouse. À Lograin. Ce samedi après-midi et d'autres dates aussi qu'on vous donnera dans un instant. Pour l'heure, c'est Divine Idylle, Vanessa Paradis sur France Bleu Occitanie. Vanessa Paradis sur France Bleu Occitanie à 17h09. Le 16-18, France Bleu Occitanie. Ah, j'aime bien ce rendez-vous cet après-midi sur France Bleu Occitanie parce qu'on va parler de musique. Alors certes, on va parler d'orchestre, de musique classique et tout le monde n'est peut-être pas habitué à aller écouter cette musique. Et c'est justement l'objectif de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse qui vous propose régulièrement les samedis à 18h, à l'heure de l'Happy Hour, vous voyez, ce rendez-vous justement qui s'appelle Happy Hour et qui vous permet pendant une heure de venir découvrir des œuvres et surtout qui cette année a décidé d'offrir finalement un pupitre devant tout le monde, là, voilà, pour valoriser, pour mettre en valeur et en avant les musiciens de l'orchestre dans alors ce qu'on appelle des pupitres différents, c'est-à-dire les instruments avant, les instruments à cordes, les instruments les trompettes, les cuivres et les percussions. Ah, je suis à peu près bon du coup. Bobby Cheng est notre invité, notre premier invité de cette série des Happy Hour. Bonjour Bobby. Bonjour Sylvain. Bobby, oboïste, c'est le bon terme ? C'est oboïste, oui. Voilà, oboïste. Oui, oboïste. Voilà. Joueur de hautbois, un instrument. Instrument avant, je le disais, alors un instrument un petit peu finalement particulier quand on est dans un orchestre comme vous l'êtes, mais je me suis rendu compte, et en allant chercher et farfouiller un petit peu, je me suis rendu compte que la bombarde, ce fameux instrument breton, est un hautbois aussi. Oui, je pense. Hein, puisqu'en fait, c'est un instrument qui se joue avec une hanche. En fait, c'est deux hanches pliées ensemble, voilà. C'est pas compliqué à faire sonner justement. Si, justement, parce que l'hanche de hautbois c'est assez petit, donc il faut pas mettre beaucoup de pression non plus, mais il faut laisser vibrer. Donc voilà, c'est assez difficile, je trouve. Vous êtes un jeune hautboïste. Voilà, hautboïste, c'est bien le terme. 31 ans. J'aimerais savoir, Bobby, quand avez-vous commencé à apprendre à jouer du hautbois? J'ai commencé le hautbois à l'âge de 8 ans. Et avant, j'ai joué déjà le piano, mais chez moi, à Hong Kong, à l'école primaire, ils proposent qu'on joue un autre instrument à part. Donc, ma maman m'a dit, j'ai déjà joué le piano, donc pourquoi pas choisir un instrument moins facile. Moins difficile. Donc, j'ai commencé avec le flûte-à-bec, en fait. Ah, okay. Donc, okay. C'est le prof de hautbois qui m'a demandé est-ce que ça m'intéresse d'aller jouer le hautbois avec lui. Donc, c'est ça l'aventure à commencer. D'accord, c'est comme ça que vous avez commencé. Et finalement, on maîtrise l'instrument, on s'amuse avec l'instrument, parce que c'est le principe, quand on est musicien, c'est de pouvoir avoir du plaisir à jouer l'instrument. Et aujourd'hui, vous êtes demandé dans le monde entier, Bobby. On va pas être modeste. Il faut pas être modeste. Vous êtes aujourd'hui donc embauché et vous jouez pour l'orchestre de Toulouse, hein, l'orchestre national du Capitole de Toulouse. Mais vous intervenez régulièrement parce que c'est le principe des musiciens de haute qualité comme vous, c'est d'aller intervenir dans d'autres projets musicaux avec d'autres orchestres. Moi, je vois donc l'orchestre de la BBC à Londres, le Symphonic Orchestra. Vous avez joué avec l'Orchestre National de France, l'Orchestre de Paris, le London Symphony Orchestra. Vous avez joué aussi, vous retournez jouer régulièrement. Oui, de temps en temps, chez moi à Hong Kong. À Hong Kong. Quand on a 31 ans, faire le tour du monde avec son hautbois pour intervenir dans des orchestres, c'est quand même un beau métier, c'est valorisant. Oui, c'est grâce à la musique que je peux voyager aussi. Ouais. Vous avez rejoint d'ailleurs l'orchestre à l'époque où Tugan Sokiev dirigeait l'orchestre. Oui. Comment ça s'est passé? C'est un concours? C'était une rencontre? C'était un concours, on était une vingtaine, trentaine, et il y avait trois tours pendant toute la journée. On a commencé à 8h du matin, on a fini vers 17h. Vers 17h, et c'est ça, vous passez trois fois, et à chaque fois, on sélectionne et on en prend un petit peu moins. De moins en moins. Jusqu'à vous, quoi, du coup, Bobby. C'est ça. Le hautbois, cet instrument qui est, quand on vient s'installer dans les salles, vous savez, avant que l'orchestre ne joue, c'est l'instrument qu'on va entendre en premier. Pourquoi on vous entend en premier dans un orchestre, Bobby? Y a des gens qui disent que c'est le hautbois, c'est le plus juste de tous les instruments. Non, je pense que c'est le son qui vibre assez, c'est la sonorité qui passe le mieux. Oui. Voilà. Donc. Parce qu'en fait, c'est vous qui donnez le la à l'orchestre. C'est ça. C'est-à-dire que tous les instrumentistes vont se régler sur votre fréquence du La, le La 440 pour être très précis. Voilà, c'est ça. Et du coup, tous les instrumentistes vont s'accorder à votre hautbois pour pouvoir jouer la même partition avec la même tonalité, en gros. C'est ça, exactement. Donc c'est vous qui finalement ouvrez cette rencontre avec le public. Et justement, tiens, on va parler un petit peu des œuvres qui sont proposées. Est-ce que vous avez participé au choix justement des œuvres qui seront proposées ce samedi après-midi à 18h à la Halle au Grain, je vois du Mozart, je vois du Bizet, entre autres. On vous a consulté, je pense que le chef est venu vous voir en vous disant « Bon, Bobby, vous allez être hautbois soliste, qu'est-ce que vous avez envie de jouer ?» Oui, comme le concerto de hautbois de Mozart, c'est l'une de l'œuvre le plus important dans le répertoire de hautbois. Du hautbois, oui. Donc, il y a un autre concerto qui est assez connu, c'est le concerto de Strauss aussi, de Richard Strauss. Ouais. Mais je pense que c'est... le concerto de Mozart, c'est plus facile à écouter. Le plus accessible à l'écoute, ouais. Et c'est assez pétillant, assez joyeux, donc ça va très bien pour ce genre de série comme Happy Hour. Je crois qu'il y a un compositeur qui s'est servi du hautbois pour imiter le son des poules qui caquettent. Des poules, je ne sais plus, mais dans le... Pierre et Loulou, c'est le canard. C'est le canard. Donc, oui, c'est dans l'Occitanie. On est dans la basse-cour. Voilà. Vous êtes donc à l'occasion de ces concerts, de ces concerts, parce que le premier, ce sera samedi après-midi, 18h à la Halle au Grain, donc pour cette première soirée. Et vous allez vous balader avec l'orchestre, justement, pour continuer à promouvoir le hautbois. Pourquoi pas? L'idée, c'est aussi peut-être de dire aux jeunes et aux enfants, tiens, vous aussi, vous pouvez vous mettre au hautbois, ne faites pas que de la trompette ou que de la guitare, venez jouer du hautbois. C'est ça. Ouais. On manque de hautboïstes aujourd'hui ou pas? Non, il y a un paquet déjà, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas, jamais. Vous serez donc, que je ne dise pas de bêtises, à Bruguières vendredi soir, oui. Pour ouvrir finalement ces premières soirées à la salle du Bascala. Et puis le dimanche après-midi, au théâtre musical de Pibrac. C'est ça. L'après-midi à partir de 16h, à l'heure du goûter, pour faire découvrir la musique du hautbois. Que dire d'autre sur le hautbois? On va revenir dans un instant, on va faire une petite pause. On écoute d'abord Stéphane avec Petit K qui nous chante mieux comme ça. Puis on va présenter un petit peu plus les œuvres que vous allez nous proposer, tout en gardant l'idée que ce sont des œuvres accessibles pour le public. J'ai commencé par enlever ta photo qui s'affichait au-dessus de ton numéro, où t'avais ce sourire subtil, moitié de face, moitié de profil, prise au hasard dans ce resto. Il m'a fallu ôter ma bague, passer l'or de tes plans dragues. Où t'avais fini par me séduire de ces longues heures et de ces fous rires et tes regards entre deux blagues. Mais les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort? C'est fou, mais partout je passe, je peux encore te suivre à la trace. Chaque minute, chaque heure, chaque jour qui passe, je ressens ton reflet dans la glace. J'ai encore tes graines dans mes placards, tes laines dans mes armoires, tes crèmes dans mes tiroirs, tes scènes dans ma mémoire et tes peines dans mes cauchemars. Les jours ont filé en moins de deux, la flamme s'est éteinte dans nos yeux. Et toi, est-ce que tu crois? Partageant les torts et les fautes, en se séparant l'un de l'autre, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux comme ça? Est-ce que tu crois que c'est mort? Est-ce que tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux? tu crois qu'on a tort de faire ça? On se voyait devenir vieux, est-ce que tu penses que c'est mieux? Mieux comme ça. Mieux comme ça, sur France Bleu Occitanie. Stéphane et Petit K à l'instant. Le 16-18, France Bleu Occitanie. Notre invité cet après-midi, Bobby Cheng, est soliste au hautbois à l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, au NCT, vous savez, quand vous allez sur le site internet. Et il est donc ce samedi après-midi, 18h, à la Halle au Grain, à l'occasion de l'Happy Hour, qui est consacré, qui est dédié, qui met en valeur, qui met en avant le hautbois. On va parler un petit peu des deux œuvres principales qui seront jouées à l'occasion de ce concert, et puis des deux autres vendredi soir et dimanche après-midi. Œuvre de Mozart, concerto pour hautbois en do majeur. Ça, c'est un des monuments de la musique classique de Mozart pour vous qui allez l'interpréter. Tous les enfants, tous les jeunes qui se mettent au hautbois, c'est vers ça qu'ils essayent d'aller, qu'on les dirige. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette œuvre? Je pense que c'est assez joyeux, assez pétillante, et c'est en do majeur, donc assez gay. Oui. La musique de Mozart, c'est toujours très joyeux, mais en même temps la demande technique sur le hautbois, c'est demandé aussi. Ouais. Donc je pense qu'il faut avoir du souffle. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça, parce que même si on pince les lèvres et qu'il y a peu d'air qui passe à chaque fois, mais parfois les morceaux sont relativement assez longs, et donc il faut c'est ça. avoir de l'air. Voilà. C'est ça l'idée. Il y a une technique, une vraie technique. Mm. D'accord. Ça, c'est pour le morceau de Mozart. La deuxième partie du concert, qui est l'œuvre de Georges Bizet, qui s'appelle Symphonie. Alors, en ut majeur, ut, c'est du do. C'est do majeur aussi. Ouais, on est d'accord. Oui, effectivement, on va préciser les tonalités majeures, c'est des tonalités joyeuses. C'est ça. Les tonalités mineures, des tonalités un peu sombres, un peu sombres, tristes, un peu, voilà. Et là, ce n'est pas vous qui œuvrerez sur ce. Non, ça sera mes collègues de hautboïstes, voilà. Voilà. Quelle est la particularité là, de ce morceau de Bizet? Je pense que Monsieur Fra, notre délégué général, il a choisi ces deux œuvres pour le hautbois parce que surtout dans le deuxième et troisième mouvement de Georges Bizet, le Symphonie en ut de Bizet, il y a une énorme solo de hautbois qui dure quasiment tout le mouvement. Ah oui. Voilà. Donc ça veut dire que là le hautboïste est au boulot, quoi. C'est ça. Et solo, ça veut dire qu'on n'entend que lui et que le reste de l'orchestre est effacé, ou on peut avoir des cordes qui accompagnent. On peut avoir des cordes derrière, voilà. Des choses comme ça. Un chouette rendez-vous, vraiment, très chouette rendez-vous qu'on vous conseille d'aller découvrir à la Halle au Grain ce samedi après-midi à 18h, l'Happy Hour consacré et dédié donc au hautbois. Merci Bobby d'être venu sur l'antenne de France Bleu Occitanie. Je vous souhaite deux bons concerts, ça commence vendredi soir pour vous, et puis après il y a les tournées, vous repartez à l'étranger, vous partez travailler avec d'autres orchestres bientôt. Pas tout de suite. Pas tout de suite, on reste un peu à la maison. C'est ça. Vous avez bien raison. Merci beaucoup, et puis vous allez sur le site ONCT, vous cherchez Orchestre National du Capitole de Toulouse pour réserver vos places, il en reste encore quelques-unes. Je suis allé voir le plan, la force dépêchée si vous voulez avoir votre place pour participer à cet Happy Hour, donc à 18h samedi après-midi. À bientôt. Bientôt. Merci d'être avec nous et de rester à l'écoute de France Bleu Occitanie. On revient dans un instant, on fait un petit point sur vos conditions de trafic, et il y aura Phil Collins aussi pour la musique. Pourquoi préférer MAF Pro? Toi qui es chef d'entreprise, t'as pas peur? Peur de quoi? Ben, je sais pas, si toi ou un de tes salariés provoquait des dommages chez un client, ça peut te coûter très cher. T'inquiète, même les pros ont droit à l'erreur. Avec la garantie responsabilité civile de mon contrat MAF Pro, je suis couvert. Voilà pourquoi je préfère MAF Pro. Et du 2 au 31 octobre, profitez de 3 mois gratuits sur votre nouveau contrat multirisque pro. Conditions de l'offre sur maf.fr. IKEA. Attends, t'es prêt là? Waouh, sympa la déco, mais on est où? Bon, mon amour, on est chez nous. Ah ouais, t'as vraiment fait plein de bonnes affaires. Aménagez votre intérieur à petit prix avec nos bonnes affaires. Jusqu'au 9 novembre, avec la carte gratuite IKEA Family, la chaise d'extérieur Ascolmen est à 20€ au lieu de 40. Conditions sur IKEA.fr. France Inter présente « Quels parents sommes-nous ? L'éducation positive en question ». Une conférence interactive animée par Ali Rebbi. Quels outils favorisent une communication efficace parents-enfants ? Et que vaut aujourd'hui l'éducation positive à l'épreuve de la vie quotidienne ? Rendez-vous demain à 20h avec les invités, pédiatres, psychologues et chercheurs, pour parler parentalité et proposer des solutions pour les parents et les enfants. Une soirée unique à la Maison de la Radio et de la Musique, à vivre en direct en ligne. Informations et réservations sur franceinter.fr. Avec la MAE, le spécialiste de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire. Dans l'espace, les astronautes voient le soleil se lever 16 fois par jour. Oh, drôle de vie, non ? La Cité de l'espace à Toulouse, un lieu unique pour découvrir, s'étonner, comprendre. Véritables engins spatiaux, expositions, animations scientifiques. Partez à la découverte de l'infini et de l'extraordinaire à la Cité de l'espace à Toulouse. C'est compliqué actuellement pour celles et ceux qui veulent aller sur l'autoroute A64 en direction de Muret, mais pour ceux qui remontent d'ailleurs de l'autoroute A64 pour revenir vers Toulouse, parce que là on voit bien qu'entre la sortie, le chapitre, la sortie 38 et la bifurcation de Bordelongue, le trafic est bloqué dans les deux sens avec des bouchons. Bouchons aussi sur l'est de Toulouse, vous remontez depuis la Bège de la 61 et vous allez en direction de Bordeaux. Ça coince au moins jusqu'à la sortie Lasbordes, sortie 17, et on repasse à l'ouest toulousain avec du monde pour quitter Toulouse en direction du Gers sur la Nationale 124, depuis la bifurcation de Purpan et jusqu'à la sortie Colomiers-Centre avec des bouchons. Et dans l'autre sens, si vous êtes sur l'A621, vous revenez de Blagnac et vous voulez rejoindre la Rocade Ouest, trafic un petit peu compliqué à l'arrivée sur la bifurcation des Minimes. Un mot pour vous dire qu'attention, la ligne de tram T1 ce soir ferme assez tôt, 20h depuis Audi-Sud, 21h depuis le Mythe et puis 22h depuis Palais de Justice, mais la ligne de tram T1 est remplacée par une ligne de bus, la T1 prime, qui circule toutes les 30 minutes cette nuit. Et puis je regarde aussi la circulation des trains à la SNCF au départ de Toulouse-Matabiau. Pour l'instant, tous les trains sont à l'heure. Bienvenue, merci d'être avec nous. La musique, c'est celle de Phil Collins qui arrive, il est 17h25. Le 16-18, France Bleu Occitanie. In the air tonight sur France Bleu Occitanie. Oh, no. Ah, il fait monter la pression hein, tout au long de ce morceau Phil Collins avec cette chanson. C'était In The Air Tonight. Moi aussi, je vais faire monter la pression. Vous savez que la tournée Je vais t'aimer repasse au mois de novembre 2024 à Toulouse et que on n'a toujours pas fait gagner les places et qu'il est 17h30 et que c'est notre grande session jeu de France Bleu Occitanie. J'en dis pas plus. Mais commençons par vous offrir des places pour venir voir le spectacle que l'on vous a présenté il y a quelques minutes. Le spectacle Happy Hour avec le hautbois samedi soir à 18h, hein, samedi fin d'après-midi à la Halle au Grain, donc ce samedi 21 octobre. Vous aimez la musique classique, vous allez vous régaler évidemment. Vous n'y connaissez pas grand-chose à la musique classique, ce n'est pas grave. Ce rendez-vous d'Happy Hour, c'est un rendez-vous d'une heure. Donc en fait, vous allez pendant une heure écouter de la musique classique et vous dire que waouh, mais c'est bien finalement. Non mais c'est vrai. Il faut y aller, il faut oser, il faut être curieux, il faut tenter, il faut ouvrir ses oreilles et son esprit et laisser rentrer la musique et découvrir que finalement on passait depuis tant d'années à côté de tant de belles choses. Et bien voilà, si vous avez envie de participer et d'assister à ce concert autour du hautbois, ce concert Happy Hour de ce samedi soir à 18h à la Halle au Grain, une simple question que je vous pose maintenant pour vous offrir vos deux places. Et écoutez bien la question. Qu'est-ce que l'Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse? Elle est précise, hein, ma question. Donc, qu'est-ce que l'Happy Hour de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse? Je vous fais deux propositions. C'est un moment de la journée où on achète une boisson alcoolisée pétillante et on en a une deuxième gratuite. Ça, c'est ma première proposition. Ma deuxième proposition, c'est un moment de musique avec l'orchestre le samedi après-midi à partir de 18h. Et vous avez la bonne réponse, forcément, vous avez la bonne réponse. Allez, appelez-nous tout de suite et venez assister à ce chouette moment avec les hautbois, avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, dont nous pouvons être fiers à la Halle au Grain, samedi après-midi à 18h. À vous de jouer. 05 34 43 31 31. Bonne chance à tous, on vous offre vos deux places. Si vous répondez correctement à cette question, qu'est-ce que l'Happy Hour de l'Orchestre National de Toulouse? Bon, une binouze, t'en achètes une et t'en as deux. Ou alors, un moment de musique avec l'orchestre le samedi après-midi à partir de 18h. Les Bronski Beat nous chantent Small Town Boy sur France Bleu Occitanie. We'll be right back. chanteur, elle avait une petite houppette comme ça, avec un crâne un petit peu chevelu comme moi. Bon, ce qui bite à l'instant sur France Bleu Occitanie, c'était Small Town Boy. Bonjour Laurence. Bonjour. Comment allez-vous à Pompertuisat aujourd'hui? Ça va bien et vous? Bah, écoutez, moi je suis ravi, je suis à la radio, je suis avec vous au téléphone. Que demander de mieux? Voilà. Laurence, vous aimez la musique classique, vous? Mais en fait, j'aime bien, oui, mais comme vous disiez tout à l'heure, je suis pas née, j'ai pas baigné dedans, donc du coup, ouais. Je rate pas une occasion d'aller écouter de la musique classique. Alors, c'est pas tous les jours, mais voilà. Donc, du coup, je découvre toujours. Mais ça, c'est avec chouette. Plaisir. Ben ça, c'est une bonne idée, effectivement. C'est... Vous le dites vous-même, c'est vrai que quand on n'a pas forcément l'habitude d'un style de musique ou de type de musique, ben, il faut de temps en temps se faire un petit peu violent, se dire « allez, je me tente ». Et puis bon, là, du coup, en plus, vous allez voir, c'est quand même des œuvres assez sympas. Oui, voilà, je ne connais pas forcément le répertoire, mais comme voilà, c'est pas forcément à la portée de tous. On n'a pas forcément baigné dedans, mais du coup, c'est vrai que c'est, des fois, c'est un peu éloigné par rapport à d'autres musiques. Quoi. Mais... Finalement, vous verrez en sortant de cet happy hour, donc samedi après-midi à 18h là à Logrin, vous aurez entendu des morceaux plutôt pétillants parce que c'est des tonalités positives, des tonalités majeures qui vont vous donner un petit peu de peps. Et puis surtout, vous allez voir les performances des musiciens parce que en même temps qu'on écoute, on regarde les performances des musiciens et vous allez prendre, je pense, beaucoup de plaisir. D'ailleurs, vous savez quoi, Laurence? Je vais vous demander de me répondre à la question. Qu'est-ce que c'est que l'Happy Hour donc de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse? Alors vraiment, j'hésite. Hein, Je pense que la première était pas mal aussi, mais je crois que c'est la deuxième option, c'est un moment le samedi à 18h avec l'Orchestre de Toulouse. Mais bravo, oui, ça c'est une bonne réponse. Bon, la première marchait aussi, parce que forcément, la première pouvait marcher aussi. Bon, du coup, je vous offre ces deux places, et ça je suis ravi. Et je voudrais prendre rendez-vous avec vous, Laurence, éventuellement la semaine prochaine, 16h30, notre rendez-vous du SAV des cadeaux, justement pour nous faire le retour sur vos sensations et sur l'écoute de cet happy hour, d'accord? Ah bah d'accord, ok. C'est génial, vous ne raccrochez pas, Christine qui va vous reprendre et vous caler ça avec elle. D'accord Laurence? Ça marche, merci. Merci à vous, belle soirée, surtout bon concert samedi soir alors. À vous aussi, merci. À très très bientôt. Vous restez avec nous parce qu'en préparation, on a du Michel Sardou qui va venir chanter. Non, pas lui. Enfin si, il va venir aussi, mais c'est pour plus tard, c'est en novembre 2024. Des garçons et des filles qui ont monté un spectacle et c'est au tour des chansons de Michel Sardou et c'était gagné dans un instant. À votre service, 9h-10h, sur France Bleu Occitanie. L'inflation touche aussi les prix des loyers et pour faire baisser le budget logement, certains sont prêts à faire des colocations. Mais la colocation n'est pas réservée qu'aux étudiants, elle peut se faire à tout âge. Les colocations seniors, vous connaissez? Avez-vous prévu peut-être de faire une colocation plus tard avec des amis? Racontez-nous ce jeudi, on en parle au 05 34 43 31 31, France Bleu Occitanie. À votre service, c'est de 9h à 10h. C'est l'euphorie dans votre concession Renault-Euphorie. Jusqu'au 31 octobre, 400 véhicules toutes marques à prix coûtant. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Attention, stock limité, il n'y en aura pas pour tout le monde. Conditions dans vos concessions Euphorie Renault à Cahors, Castelsarrasin, Montauban et Souillac. Pensez à covoiturer. L'apprentissage est un terrain de rugby. Le lycée, c'est l'entraînement et l'entreprise, c'est le match. L'envie d'apprendre est ton meilleur allié dans ta course vers l'essai, la réussite et l'insertion professionnelle. Lance-toi en apprentissage avec les lycées de l'éducation nationale. Plus d'infos sur maforpro-occitanie.fr. Projet cofinancé par la région Occitanie. Chez Monabi, on n'est pas que des vendeurs de panneaux solaires. On sécurise votre énergie. Depuis 11 ans, Monabi vous accompagne dans votre vie de producteur et vous fait économiser jusqu'à 50% sur votre facture d'électricité. Comme nos 6000 clients, simulez gratuitement votre installation solaire sur monabi.fr. Monabe.fr. La duperie sexuelle des orchidées, la chorégraphie de la grue du Japon, le balancier de la sauge des prés, l'homosexualité du pingouin. Avec sa nouvelle grande exposition Sexapil, la scandaleuse vie de la nature, le Muséum de Toulouse dévoile sans tabou la vie intime des plantes et des animaux. Du 14 octobre 2023 au 7 juillet 2024, allez Jules Guedde. Plus d'infos sur muséum.toulouse-métropole.fr. Alors, côté circulation, on était un petit peu dans de la catastrophe. Vous voyez, sur la 64, finalement, dans le secteur de Bordelongue, la bifurcation qui vous permet de quitter la rocade et d'aller vers Muret, ou de revenir d'ailleurs depuis Muret sur la rocade, ça reste un peu compliqué pour revenir sur Toulouse, mais ça s'améliore. On est sur du ralentissement et non plus forcément du gros bouchon pour quitter Toulouse en direction des Pyrénées. Voilà, pour faire simple. En revanche, si vous allez dans le Gers, hein, vous quittez Toulouse, National 124, ça bloque jusqu'à au moins la sortie en Jacquat, vous savez, après Colomiers, avant la sortie qui vous permet d'accéder à Pibrac. Le retour aussi site un petit peu compliqué vers Toulouse. Retour compliqué aussi sur Toulouse depuis Blagnac à 621. Donc pour revenir vers la bifurcation des minimes, et puis je viens de voir apparaître une icône qui m'indique un accident qui s'est produit 500 mètres avant la bifurcation des minimes en direction de Toulouse. Nous avons deux voitures qui sont accidentées sur la voie de droite. Donc vous vous doutez bien que ça risque de compliquer un petit peu la circulation et surtout de ralentir et puis de provoquer probablement des bouchons quand vous arrivez depuis Blagnac. Un trafic dense aussi sur la rocade ouest. Hein, dès que vous êtes après la sortie des ponts des Demoiselles, vous allez rencontrer des ralentissements et des bouchons successivement pour aller jusqu'à la bifurcation de la Lande, rejoindre l'autoroute A62, ensuite en direction de Bordeaux. Il est 17h43. Deuxième jeu de notre après-midi, et on va pas rigoler. Non, on va pas rigoler du tout, non, parce que, comment vous dire, c'est une équipe qui vient pour cette comédie musicale, des chansons de Michel Sardou, Je vais t'aimer. Non, mais ça cartonne à mort. C'est à chaque fois qu'ils sont déjà venus deux fois à Toulouse, avec plusieurs représentations dans le week-end. Complet. Chaque fois qu'ils s'arrêtent dans une ville, c'est complet. Et ils reviennent à Toulouse le 29 novembre. 2024, dans un an. Ah, parce que toutes les dates sont complètes jusque-là. Ils seront au Zénith de Toulouse. Je vais t'aimer, la comédie musicale. On vous offre deux places cet après-midi. Mais aussi, et c'est ça qui est chouette, une rencontre avec les artistes en backstage, derrière la scène. Vous irez rencontrer des chanteuses et des chanteurs qui seront sur scène et qui vont vous proposer ce spectacle. Et ben moi, j'ai envie de vous en offrir deux des places ce soir. Ouais. Vous avez envie d'y assister à ce concert du 29 novembre 2024? Vous avez envie de rencontrer les artistes? Alors c'est très simple, donnez-moi le titre de cette chanson. Attention, je veux le titre exact de cette chanson. C'est ma question ce soir. Femme des années 80, mes femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femme des années 80, moi Colombine garde qu'un, sachant pianoter sur la gamme qui va du grand sourire aux larmes. Alors, c'est quoi le titre de cette chanson que vous allez entendre dans le spectacle Je vais t'aimer? Vous nous appelez tout de suite pour gagner vos places, bonne chance. À vous de jouer. 05 34 43 31 31. Oh là là, que des tubes sur France Bleu Occitanie. Oui, parce que dans France Bleu Collector, on écoute une chanson de Céline Dion qui s'intitule Pour que tu m'aimes encore, c'est dans un instant. Et de l'amour, ben maintenant c'est Christophe Maé avec Amadou et Mariab. Dis donc, mais c'est... De l'amour en barre, de l'amour à la tonne sur France Bleu Occitanie, bel après-midi. Ça fait rêver les gens, l'amour. Ça donne la vie, le tournis des petits gars qui courent. Ça fait lever les gens, l'amour. Ça fait rougir, ça fait mentir, ça fait du bien tout court. Ça fait pleurer les gens, l'amour. Ça fait sourire, ça fait gémir, ça fait du bien. Genre l'amour, ça fait parler, ça fait de vivre tout. Ça fait de nous des âmes heureuses, ça fait de nous des âmes seules. Ça fait de vous des amoureuses et de nous vos âmes seules. Mon amour, tout va bien. Mon amour. Ça abîme des gens, l'amour. Ça rend aveugle sans conscience. Ça fait fumer une cigarette, l'amour. Ouais. Ça fait mincir les silhouettes. Ça fait casser des abat-jours. Ça fait stopper la cigarette, l'amour. L'amour. Amadou et Mariam et Christophe Maé sur France Bleu Occitanie avec cette chanson Nouveauté, l'amour. Bonjour Karine. Bonjour. Comment ça va à Toulouse cet après-midi?

faut que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses d'autres dansent des heures. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Pour que tu m'aimes encore. N'allez pas commencer à tirer, à toucher. N'allez pas t'en donner. Moi je sais pas jouer. Tu m'aimes encore un instant, Céline Dion, sur France Bleu Occitanie, dans notre rendez-vous France Bleu Collector. Bonjour Anaïs Jeannin. Salut Sylvain. Anaïs, de quoi parle-t-on ce soir à 18h30? Nous allons parler de rugby, nous allons parler de rugby de 18h à 18h30. On parle toujours de cette Coupe du Monde. À partir de 18h30, c'est Pro D2 avec le Colomiers Rugby. Bisous Sylvain. Bientôt. Ouais, ciao. Et on écoute Los Lobos tout de suite, La Bamba sur France Bleu Occitanie. Soy capitán, soy capitán. Los Lobos sur France Bleu Occitanie. Dans quelques instants, à partir de 18h, on va parler, on continue de débriefer cette Coupe du Monde de rugby. Forcément, on a tous été très déçus, mais on continue d'en parler. Et à partir de 18h30, on redonne de l'espoir, puisqu'on parle de Pro D2 sur France Bleu Occitanie. On sera avec l'international portugais Rodrigo Marta, qui vient de signer au club à la Colombe. Et puis aussi avec Well Pompon, on en parle juste à 18h30. Mais les infos dans un instant. MMA, Business Entreprise. Jusqu'au 25 novembre 2023, 50% offert sur l'assurance dirigeant. MMA. Moins 50% sur la première cotisation annuelle. Conditions en agence. Je te dis que je t'aime. Certaines phrases sont tellement plus belles quand elles sont chuchotées. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que vous méritez d'entendre le moindre chuchotement, on vous offre le dernier cri. Et oui, chez Écoutez Voir, les aides auditives libres de la gamme Confort ne vous coûtent rien. Et en plus, le bilan auditif est gratuit. Alors n'attendez plus pour bien entendre. Écoutez Voir, optique et audition. Mutualiste. Dispositif médical, demandez conseil à votre audioprothésiste. Lire attentivement la notice. Dans le cadre du 100% santé, bilan à but non médical. Point de vente soumis au code de la mutualité. Conditions sur écoutezvoir.fr. La nostalgie. C'est le nouveau livre de Patrick Sébastien. Mon nouveau livre, je l'ai appelé « La Nostalvie ». À ne pas confondre avec la nostalgie. La Nostalvie, c'est rose et jaune comme le soleil. C'est faire un pas en arrière pour mieux aller de l'avant. Et crois-moi, on en a bien besoin. La Nostalvie de Patrick Sébastien. Un récit à savourer. Un livre XO. Démarrez une nouvelle vie en résidence senior avec Serenly. Appartements meublés, équipés, à Toulouse et à Bordeaux. Animation, espace vert, salle de fitness, salon de beauté. Vivez pleinement, vivez sereinement avec Serenly. Prenez rendez-vous avec nos conseillers pour visiter nos appartements témoins ou pour un séjour découverte. Serenly, Serenly.fr. France Bleu, connecté à notre région. Ici, c'est France Bleu Occitanie. Il est 18h, bon début de soirée sur France Bleu Occitanie. Et à 18h, c'est un petit peu compliqué pour circuler sur la N124 entre Toulouse et Colomiers. Quelques bouchons, vous circulez difficilement. Par contre, c'est plutôt fluide sur le reste de la rocade. Un accident sur la 621 en provenance de l'aéroport et en allant vers Toulouse. Un accident avec deux véhicules impliqués. Il y a une voie concernée sur la voie de droite. Donc, soyez prudents si vous voyez autre chose. N'hésitez pas à nous le dire. 05 34 43 30 31. Pour ce qui est de la météo, quelques éclaircies ce soir, quelques éclaircies demain, on en parle après les infos. Les informations avec vous, Bénédicte Dupont. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Anaïs, bonsoir à tous. À l'aéroport de Toulouse-Blagnac, encore énormément de retard après l'alerte à la bombe. Oui, en tout 10 aéroports de province ont reçu par mail une menace. À Toulouse, trafic totalement suspendu depuis 11h50. Il vient de reprendre tout doucement. La plupart des vols au départ de Toulouse ont été annulés en début d'après-midi. Aucun avion n'a encore décollé depuis midi. Et un seul a atterri cet après-midi pour l'instant. Cette alerte, elle a été levée vers 15h à l'échelle nationale. Des dizaines de vols sont à reprogrammer par l'aviation civile. Belle pagaille à Blagnac et la tuile pour des centaines de voyageurs comme Thibault qui devait prendre à Paris une correspondance pour New York. On a entendu une sirène d'alarme avec un message qui nous demandait d'évacuer les lieux. Puis tout le monde s'est un peu rassemblé vers les portes. On savait pas trop par où passer. Une personne a pris, on va dire, le groupe qui était un peu perdu et nous a dirigé vers le tarmac. Donc on est parti sur les pistes où on était tous rassemblés. Ensuite, la police est arrivée, nous a fait monter dans un bus, nous a amené un petit peu plus loin sur le tarmac, on va dire en sécurité, et nous a ensuite raccompagné à pied sur le parking de l'aéroport. Et donc là, je vais devoir repayer un vol, j'imagine, ou passer la nuit à l'aéroport de Orly pour ensuite repartir à New York, et j'espère aujourd'hui ou demain, je sais pas. Ouais, et figurez-vous que pour Thibault et les autres, dans ce cas d'alerte à la bombe, souvent les compagnies ne remboursent pas les billets. En tout, donc 10 aéroports français ont connu une fausse alerte à la bombe, comme Toulouse, mais aussi Beauvais, Nantes, Pau ou encore Carcassonne. Le château de Versailles aussi a encore été évacué aujourd'hui, c'est la troisième fois en 5 jours. Ce soir, le ministre de la Justice pousse un coup de gueule. Les gamins qui s'amusent à faire ça seront retrouvés retrouvés et punis. Leurs parents seront tenus de rembourser les dommages et intérêts qu'ils auront causés. C'est ce qu'assure ce soir Éric Dupond-Moretti, évoquant des peines allant jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Une autre info ce mercredi soir, à cause du niveau d'alerte sécurité, la fermeture de la fan zone de Toulouse. Figurez-vous, le village rugby ne retransmettra pas comme prévu les demi-finales vendredi et samedi et la finale du 28 octobre. C'est donc dû au plan Vigipirate, mais aussi dû à l'élimination des Bleus qui préfigurait une fréquentation morose. Dans le même temps, ce soir, le ministère de l'Intérieur demande à ce que les fan zones de France soient non pas fermées, mais encore plus sécurisées. En tout, 200 000 spectateurs ont profité du village rugby de la Prairie des Filtres en un peu plus d'un mois à Toulouse. Dans les lycées, Carole Delga veut installer des bornes d'appel d'urgence. La présidente de la région Occitanie l'a proposé tout à l'heure au ministre de l'Éducation en réunion à Paris, des bornes reliées au commissariat ou aux gendarmeries. 5 jours après l'attaque du lycée d'Arras, les obsèques d'ailleurs de Dominique Bernard, le professeur tué, sont prévues demain en la cathédrale d'Arras en présence d'Emmanuel Macron. À Gaza, au Proche-Orient, la responsabilité du bombardement d'un hôpital hier n'est toujours pas établie. 470 morts, précise ce soir le Hamas, qui accuse les frappes aériennes israéliennes. Israël dément et accuse une autre organisation palestinienne, le djihad islamique. Ce soir, la Maison-Blanche met Israël hors de cause. Les États-Unis assurent qu'il s'agirait d'une roquette hors de contrôle tirée par un groupe terroriste depuis le territoire palestinien. Il va falloir lever le pied dès demain sur une partie de la N124. Ouais, chez nous, la nationale entre Toulouse et Auch, vous passerez dès demain de 110 à 90 km/h maximum entre la sortie Salvetat-Saint-Gilles et l'échangeur du Pergé. Ça fait 4 km. Jean-Yves, un habitant de Pibrac, a aperçu le panneau récemment. J'ai vu les panneaux qui informaient que ça passait de 110 à 90. Le grand souci de la S124, c'est surtout les embouteillages quotidiens, dans un sens et dans un autre. Voilà. Après, la réduction de vitesse, je vois pas l'effet que ça peut avoir sur les embouteillages. Là, aujourd'hui, je fais des allers-retours tous les jours, et tous les jours, le matin à 9h ou le soir à 18h, tout est bloqué. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire pour nos autorités qui se penchent sur le sujet. Le grand contournement de Toulouse serait utile parce que tous ces gens qui sont là ne sont pas forcément des gens qui ont besoin d'aller à Toulouse. Donc, ils passent par Toulouse parce qu'ils veulent traverser d'un sens à l'autre. Donc, un grand contournement de Toulouse, ça me semblerait très utile et très urgent. La portion à 90 sur la 124 qui est rallongée depuis le Pergé jusqu'à la Salvetat-Saint-Gilles. Dans 3 semaines, ce sera le fil d'Ariane et la Voie lactée qui seront aussi concernées. Une autre actu pour vous dire que Air France vient d'annoncer qu'elle n'assurera plus les navettes Toulouse-Orly à partir de 2026. Ce sera la filiale low-cost de Transavia. Air France veut en revanche augmenter le nombre d'allers-retours entre Blagnac et Roissy. Alors, cette météo, on espère la pluie. Anaïs, elle tarde à arriver en masse, en tout cas. Ouais, alors spoiler, elle arrivera vendredi. Mais avant ça, du coup, cette info. Oui, on a des éclaircies pour demain. Un petit peu la même journée qu'aujourd'hui, entre nuages et éclaircies. Des températures toujours estivales, j'ai envie de dire, jusqu'à 26 degrés demain après-midi. Et ensuite, ça chute vendredi, 19 degrés. On en parle après les infos de 18h30. Tout de suite, 100% Coupe du Monde. France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de rugby, Dominique Bourdeau. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous accompagner sur toutes vos franges bleues pour ce MAG 100% Coupe du Monde de rugby, dans lequel on va ce soir encore mouiller le maillot, même si le 15 de France a malheureusement trop tôt quitté la compétition. Et ce maillot, c'est évidemment celui des Bleus, fabriqué par le coq sportif, dont le PDG est notre grand témoin ce soir. Bonsoir Marc-Henri Bossier. Bonsoir. Et merci d'être en duplex avec nous depuis la maison de la radio. Donc nous, on va continuer cette Coupe du Monde de rugby avec vous, pour vous et vous. Est-ce que vous avez prévu d'être devant votre télévision ce week-end pour les 2 demi-finales de la Coupe du Monde? J'attends vos commentaires en direct au 0810 055 056. Les Bleus du foot ont attendu bien longtemps, eux, avant de devenir champions du monde. On fera quelques parallèles avec l'un des champions du monde 98, Vicente Lizarazu, consultant football de Radio France, qui sera avec nous avant 18h30. Je salue notre spécialiste rugby, Arnaud Carré. Salut Arnaud. Salut Dominique. Un MAG 100% Coupe du Monde que vous suivez sur Noah, chaîne de France 3, disponible sur toutes les boxes et bien sûr sur francebleu.fr. France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde de rugby. Et